إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc on commence aujourd'hui le cours 81 et on est toujours dans le chapitre qui parle de Al-Kihana ما جاء في الكهان ونحوهم Qu'est-ce qui a été mentionné au sujet des Kohan, les gens qui prétendent connaître l'avenir, les devins, les médiums, les voyants, etc. Et qu'est-ce qui a été rapporté à ce sujet-là et à tous ceux qui sont dans cette catégorie de personnes. On a expliqué jusqu'à maintenant plusieurs hadiths à ce sujet-là. Maintenant, on a arrêté la semaine passée au hadith qui est rapporté selon Imran ibn Husayn. مرفوعا إذ ذي ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد دونك يعني On va expliquer maintenant le hadith, puis on va lire l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan à ce sujet. Il dit, selon Imran ibn Husayn, ça a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit, il n'est pas de nous celui qui tatayyara ou tutayyara la. At-tatayyur, on va en parler dans le chapitre, dans le prochain chapitre. Tatayyur, on va en parler dans le prochain chapitre, c'est qu'est-ce qui a rapport au mauvais présage, des choses de ce genre. Donc on ne va pas l'expliquer maintenant, on va laisser ça pour le prochain chapitre, et bon, de toute façon le chef il va mentionner ça. Et autakahana autukuhinala, c'est celui qui il prétend de connaître l'avenir, et la personne à qui, à qui on informe de l'avenir, ou la personne qui demande des informations au sujet de l'avenir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au sujet de ces gens-là qu'ils ne font pas partie de nous. Ils ne sont pas de nous. D'accord? Et il dit, au sahara, au suhira, au suhira là. C'est-à-dire, ou bien celui qui fait de la sorcellerie, ou celui pour qui la sorcellerie a été faite. Dans le sens que la personne qui demande au sorcier de faire de la sorcellerie pour lui. D'accord? Et il dit après, et celui qui va voir un voyant ou un médium et qui croit en ce qu'il a dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est rapporté par Al-Bazzar avec une isnad jayyid, comme le cheikh dit, et il dit « Wa rawahu at-tabarani fil awsat bi isnad hasan min hadith ibn Abbasin duna qawlihi man ata ila akhirihi wa man ata ila akhirihi » Donc, aussi, il a été rapporté par l'imam al-Tabarani dans al-Awsat, avec une isnad qui est Hassan. Et c'est un hadith rapporté selon Ibn Abbas. Toutefois, la partie à la fin qui dit, est celui qui va voir un kahin et qui croit en ce qu'il dit, alors il a mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne fait pas partie du hadith rapporté par al-Tabarani. Donc, c'est seulement la première partie du hadith qui est rapporté par At-Tabarani. Maintenant, l'explication de ce hadith, le cheikh il dit هذا الحديث ah oui le cheikh il dit عن قال وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له الطيرة سيأتي لهذا الباب خاص سيأتي لهذا باب خاص زي un chapitre spécifique à ce sujet qui va être mentionné, et c'est dans deux chapitres, pas le prochain, l'autre après. Donc, le cheikh, il le laisse à plus tard. Après, il dit, « وَهَذَا الْحَدِيثِ كَالَّذِي سَبَقَهُ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ الْكِهَانَةِ وَالذَّهَابِ إِلَى الْكُهَانِ لِأَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ عَقِيدَةَ مَنْ يَذْهَبْ إِلَيْهِمْ وَبَعْدُهُمْ رُبَّمَا تظاهر بذكر اسم الله أو يصلي حتى يقول من رآه ورأيته يصلي ورأيته يذهب للمسجد وما كل من يصلي يصير مسلما يصير مسلما بل يصلي الإنسان ويزكي ويصوم ويحج وهو كافر إذا فعل ذلك نفاقا أو ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام فالكاهن لو صلى ولو صام ولو حج ولو تصدق ولو زكى لا تقبل أعماله لأنه مشرك كافر وكذلك الساحر وبعضهم يقول أنا انتفعت من ذهابي إلى هؤلاء أنا كنت مريضا وانتفعت وحصول الحاجة أو حصول الغرض ليس دليلا على الجواز فقد يعطى الإنسان حاجته من باب الفتنة ومن باب الاستدراج والاختبار والعبرة في كونه دل الدليل الشرعي على جواز هذا الشيء أو على تحريمه هذا هو الشأن. أوكي. لشيخ الزيفي. selon عمران بن حسين ça a été rapporté que comme on a dit tout à l'heure le prophète صلى الله عليه وسلم a dit celui qui croit en at-tatayyur, il ne fait pas partie de nous, et at-tayyara, on va l'expliquer dans, dans les chapitres qu'on a mentionnés, qu'on va mentionner par la suite. Mais en général, c'est de croire au mauvais présage. Par exemple, tu sors, les Arabes à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou avant l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sortaient de chez eux, puis ils voyaient des oiseaux qui s'en allaient dans une direction, ils disaient, ah, ça c'est un mauvais présage, je vais pas faire ça. Il y a plein d'exemples de mauvais présages qui existent à notre époque, et ça, ça fait partie des croyances de la Jahiliya. Donc ça, on va en parler, comme on l'a dit plus tard. Après, le cheikh explique la suite, il dit, et ce hadith est semblable à celui qui a précédé, et il indique l'interdiction de qu'est-ce qui a rapport avec la voyance, et tout ce qui a rapport avec le fait de dire la bonne aventure, ou des trucs de ce genre. Et également l'interdiction d'aller voir ces gens-là, parce qu'ils corrompent la croyance de ceux qui vont vers eux. Et parfois, certains d'entre eux vont même montrer qu'ils mentionnent le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou même qu'ils font la salat. Donc les personnes qui vont les voir en apparence, ils vont dire « Ah ça c'est des gens pieux, hein, ou ce sont des gens qui vont à la mosquée. » Et ça, en fait, c'est juste une couverture, c'est une image qu'ils se donnent pour cacher en même temps leur coffre et leur mécréance. Et il y a des gens même comme ça à Montréal, qui sont des gens qui, soi-disant, font de la voyance, ou qui prétendent être des gens qui disent la bonne aventure, ou des marabouts, hein, et qui font des trucs de ce genre, là, des sorcelleries et d'autres choses de ce genre, et malgré tout, tu les vois assister à la Jumu'ah, assister à Salat al-Tarawih, assister aux prières à la mosquée, et alors qu'en réalité c'est des gens qui font des formes de voyance et des trucs de ce genre. Hein. Donc il y en a à Montréal de ces gens-là, de la Mauritanie et d'autres pays. Hein. Donc on va pas mentionner des noms, mais hein, il y en a un là, soi-disant même, il était le conseiller même de le marabout de Jacques Chirac. Ah bon. On va pas dire plus que ça. On va pas en dire plus que ça. Donc, le chef, il dit, ouais, c'est un gros détail. c'est pas un petit détail. Allah Musta'an. Espérons que Jacques Chirac va pas nous envoyer des lettres. Ah, il est de toute façon, il est plus au pouvoir. Bon. Ok. وما كل من يصلي يصير مسلما. C'est pas tout le monde qui prie qui est automatiquement musulman. Quelqu'un, le cheikh il dit, quelqu'un peut prier pour essayer, quelqu'un peut prier, peut donner la zakat, peut faire le jeûne, peut faire le hajj, alors qu'il est mécréant. Et s'il le fait par hypocrisie, par nifaq, pour montrer aux gens qu'il est musulman, ou bien qu'il pratique ses piliers de l'islam, alors qu'il a, fait une chose parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne. Donc si quelqu'un, par exemple, il pratique les piliers de l'islam, comme la prière, le jeûne, le hajj, la zakat et tout, sauf qu'il a dans ses croyances quelque chose qui est en opposition au fondement de l'islam, et qui détruit les bases de l'islam, ben même s'il fait ses piliers de l'islam, ça ne compte pas. Ouais, il n'est pas musulman quand même. Parce que pour être musulman, il faut avoir dit la ilaha illallah, le rasulallah, et ne pas faire rien de ce qui oppose ce témoignage. Donc, de ne pas annuler ton islam en faisant quelque chose qui est en contradiction avec l'islam. Après, le cheikh, il dit donc que même le médium, ou le voyant, ou le devin, ou celui qui prétend connaître l'avenir, ou dire aux gens la bonne aventure, si tu le vois faire la salat, ou tu le vois jeûner, ou faire le hajj, ou donner une sadaqa, ou faire la zakat, rien de ces actions ne sera accepté, parce que c'est un mushrik et un kafir. Et donc, la même chose pour le sahir, c'est-à-dire le sorcier ou le magicien. Et le cheikh il dit que certaines personnes disent, je suis allé voir un tel parmi ces gens-là, et ça m'a fait du bien, ou il y a un bien qui m'est arrivé à cause de ça. Et le cheikh il dit, j'étais malade, hein, il donne un exemple, il dit, il y en a des gens qui vont dire, par exemple, j'étais malade, je suis allé voir un tel, et j'ai été guéri. Et le cheikh il explique que le fait que tu es allé, demander quelque chose, ou chercher quelque chose de la part d'un de ces gens-là, et que la chose que tu as demandé, ou que tu recherchais de sa part, t'est arrivée, ce n'est pas une preuve que cette chose-là est permise. Ce n'est pas une preuve que cette chose-là est permise en elle-même, parce que peut-être que tu peux recevoir la chose que tu as demandé ou que tu recherchais, mais qu'en réalité c'est une épreuve pour toi, c'est une fitna pour toi, ou bien c'est un moyen que, disons, Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour te faire croire que tu es sur le droit chemin parce que tu t'es détourné du droit chemin volontairement, et donc à cause de ça, Allah te laisse t'égarer encore plus, et toi tu penses que c'est un bien, alors qu'en réalité c'est pas du tout un bien pour toi. Et ensuite il dit, et aussi ça peut être un test, une épreuve. Donc tout ça, ça peut être des explications qui font en sorte que, ou qui expliquent pourquoi parfois certaines personnes peuvent avoir ou recevoir ce qu'ils recherchaient de la part de ces gens-là. Et il faut donc savoir que le fait qu'on a reçu ce qu'on cherchait ou qu'on a trouvé ce qu'on voulait, c'est pas une preuve que c'est halal de le faire. La seule chose qui peut montrer que quelque chose est permis dans quoi que ce soit dans la religion et dans ce domaine-là, eh bien, c'est s'il y a un texte ou une preuve du Coran et de la Sunna qui montre que cette chose-là est permise dans l'islam. Si on a une preuve, un texte, une référence qui montre que cette chose est permise dans l'islam, alors dans ce cas-là, on peut dire oui, c'est permis, sinon on n'a pas le droit de le faire, même si ça nous amène soi-disant un bien en apparence. Et le cheikh il dit, « Wa laysa minna man takahana aw tukuhina lah, aw sahara aw suhira lah, yaqul, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى تكهن فعل الكهانة، ومعنى تكهن لا فعلت الكهانة من أجل من تكهن له فعلت الكهانة من أجله بطلبه. الشيخ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلى دي donc celui qui fait, qui prétend connaître l'avenir ou qui informe les autres personnes de l'avenir, ou la personne qui vient demander les informations au sujet de l'avenir, ou la personne qui fait de la sorcellerie, ou qui demande au sorcier de faire de la sorcellerie pour lui, eh ben, le chef explique que ces gens-là ne font pas partie de nous, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, et celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'il dit, eh bien, il a cru en ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il explique que c'est ça que ça signifie. Man tukuhinala, tukuhinala, c'est celui qui a fait la, qui a dit la bonne aventure, ou qui a prétendu être un voyant. Et tukuhinala, c'est-à-dire la personne qui vient demander au voyant des informations. Hein, et des choses comme ça, ou une guérison, quelque chose comme ça. Et qui vient le demander pour lui-même. D'accord? Ok. فمن ذهب إلى الكهان فله حالتان. الحالة الأولى أن لا يصدقهم ولكن يقول أريد أن أرى ماذا عندهم. فهذا لا تقبل له صلاة 40 يوما لأن ذهابه إليهم محرم فعوقب بأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما إلا إذا ذهب إليهم من أجل التثبت في شأنهم من أجل منعهم والقضاء على فسادهم أما إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يرجع سالما أبدا مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين. Le cheikh explique ici donc, et bien entendu il y a des répétitions dans certains des chapitres, on voit que le cheikh il insiste parfois, il revient plusieurs fois sur le même point et le même principe, et en fait c'est juste pour mettre plus d'emphase et plus d'importance encore sur le sujet, pour disons que ça rentre encore plus fort dans, ou plus profondément dans nos cœurs et dans nos esprits et dans notre mémoire, le fait de l'entendre plusieurs fois ça fait que ça se répète et ça, disons, affermit notre connaissance et notre compréhension. Donc il ne faut pas trouver ça, trop, il ne faut pas se dire que ah bon c'est ennuyant parce que toujours répétition plusieurs fois de la même chose, au contraire c'est quelque chose de bénéfique du fait de le rappeler plusieurs fois et de le répéter plusieurs fois, ça reste plus fermement dans la mémoire par la suite. Le cheikh dit donc que quiconque va voir un kahin ou les kohanim, il y a deux possibilités, il y a deux états par rapport à l'état de la personne, il y a deux situations par rapport à l'état de la personne. La première situation, c'est qu'il va voir un kahin, mais il dit, je veux juste voir qu'est-ce qu'il va me dire, je veux juste, par curiosité, aller voir le médium. Et je ne crois pas en ce qu'il dit, je veux juste voir, est-ce qu'il va me dire quelque chose de vrai. Donc, le chef dit, celui qui va juste comme ça, sa prière pendant 40 jours, sa prière ne sera pas acceptée. Parce que c'est interdit d'aller voir le kahin. Donc, comme punition, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours. Sauf s'il s'en va les voir dans le but de confirmer que c'est des médiums et qu'ils prétendent connaître l'avenir pour les interdire et pour les empêcher de faire ces choses-là. Dans le sens que si par exemple c'est quelqu'un qui a une autorité ou quelque chose de ce genre. Ou bien si quelqu'un par exemple dit bon, il y a une telle personne qui fait ce genre de choses. Alors on va aller pour confirmer ça. Des fois, c'est permis d'envoyer quelqu'un comme un espion, hein, comme un espion qui va aller rentrer là-bas comme s'il est une personne ordinaire, hein, il ne montre pas qu'il est un policier ou quelqu'un qui travaille dans ces choses-là, et il rentre comme si rien n'était, hein, et là il dit oui, moi je voudrais avoir des renseignements, des informations, et là la personne va l'informer de ces choses-là. Là, après, il va dire, bon, ça y est, maintenant, on a la preuve que c'est un kahin et qu'il prétend connaître l'avenir. Le hadith qui dit, par exemple, ou le verset qui dit, voilà tajassasu, n'espionnez pas. Voilà yarafa par du kumbarda. Cheikh Al-Fawzan, il explique que dans un des durus qu'il a donné, que neuf cieux n'est pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de ne pas s'espionner les uns les autres. Excepté si il y a un bienfait là-dedans, dans le sens que la personne, elle, est en train de faire de la corruption. Il y a dans certains pays musulmans des gens qui font des péchés, mais bien entendu, c'est caché. Hein. Il y en a des gens qui font des bordels, hein, des sortes de maisons de débauche, hein, et c'est tout clandestin, c'est tout caché. Et il y en a qui font du trafic de drogue dans les pays musulmans. Il y en a qui font toutes sortes d'autres crimes hein, en cachette, et tout ça c'est clandestin. Et donc si quelqu'un par exemple qui travaille dans la police ou qui travaille dans l'amr bil ma'ruf ou nahy anil munkar, il soupçonne que des choses pareilles se passent dans telle ou telle maison, dans tel ou tel endroit, et qu'il va rentrer dans le but de confirmer cette chose-là, c'est permis, dans le but d'arrêter le fasad et la corruption dans la société, de faire ce genre de choses-là. D'accord? Donc, il y a des gens qui pensent que c'est interdit complètement. Non, ça dépend. Ça dépend du contexte, ça dépend de la situation et ça dépend de quelle catégorie. Ouais, ben, là, le prophète, c'est l'enseignant, il a expliqué les trois cas dans lesquels on peut mentir. Dans le temps de guerre, pour réconcilier deux frères, et pour, quand on ment à sa femme. Ouais, c'est ça. C'est par exemple, ça risque, hein, si elle me dit, est-ce que tu me trouves belle, puis tu vas lui répondre, non, il y a une plus belle que toi, ou des trucs comme ça. Non. Ou bien, est-ce que c'est moi ta femme préférée? Et t'as deux, trois femmes, et elles te disent que c'est moi ta femme préférée, ben, tu vas pas lui répondre d'une façon de qu'elle va se fâcher contre toi, donc. Ou est-ce que c'est bon la nourriture? Oui, c'est très bon, inch'Allah. Ouais, c'est ça. Donc, en tout cas, ça, c'est des exemples. Mais c'est juste pour dire que, oh, il y en a qui utilisent ce hadith-là comme en temps de guerre ou des trucs comme ça, ils appliquent ça même dans des situations où on n'est même pas en guerre. Et ça, c'est pas, bien entendu, c'est pas valable. La guerre, c'est pas les individus qui la déclarent, c'est les dirigeants qui la déclarent, la guerre. C'est pas les groupes ou des individus dans la société musulmane ou non musulmane, hein. Même au Canada, si un Canadien dans la rue, là, il dit, moi, je déclare la guerre aux États-Unis, c'est pas lui qui décide. Hein, c'est le gouvernement canadien qui doit décider ça, les autorités, hein, eux ils pensent que, les groupes musulmans ils pensent qu'un individu peut décider contre qui on déclare la guerre, puis ah, on a le droit de mentir, puis on a le droit de tromper, tricher, qui a dit ça, de quel islam ils ont pris ça, hein, ça c'est les Khawarij qui font ça, donc ça c'est très important de le savoir. Après il dit, أما إذا ذهب وي أخي أما إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. Si la personne a cru en ce que ces médiums prétendent, alors il a mécru en ce qui a été révélé sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc dans un cas pareil, hein, il ne reviendra jamais en bon état. Hein. Et donc, c'est-à-dire, quand il revient de chez le médium, il ne va pas être en bonne foi et dans un bon état, parce qu'il a cru en ce que cette personne-là a dit, et donc, il a mécru en la religion. Et donc, ça montre l'interdiction d'aller voir les médiums, les charlatans et les gens qui prétendent de faire de la magie, de la sorcellerie ou des choses de ce genre. أما إذا صدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فهو لا يرجع سالما أبدا مما يدل على تحريم الذهاب إلى الكهان والمشعوذين والدجالين كما نادي. وقوله روى الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس أي روى الطبراني هذا الحديث الذي رواه عمران بن حسين من حديث ابن عباس دون قوله من أتى ومن أتى إلى آخره، يعني روى من له روى منه أوله بإسناد حسن فهو يؤكد رواية البزار عن عمران بن حسين. أوكي. Donc le cheikh c'est ça ce qu'il dit, qu'il y a une autre narration qui... Ah oui, pardon, il dit « Wa rawahu al-Bazzar bi isnad al-Hasan » Al-Bazzar huwa Abu Bakr Ahmad al-Bazzar, sahib al-Musnad al-Ma'ruf bi Musnad al-Bazzar, wa huwa imam jalil tawaffa ala ra'as al-Qarn al-Thalith, rahimahullah. Wa musnaduhu yu'rafu inda al-Ulama bi Musnad al-Bazzar. Okay. Ce hadith est rapporté par un des ulama qui s'appelle Al-Bazzar et son nom c'est Abu Bakr Ahmad Al-Bazzar. Et il a une musnad qui s'appelle Musnad Al-Bazzar. Et c'est un grand imam. Il est mort au début du 3e siècle. Hein, rahimahullah. Et sa musnad est connue par les ulama par le nom de Musnad Al-Bazzar. Et le même hadith a été rapporté par l'imam Al-Tabarani selon Ibn Abbas. Excepté que le hadith de At-Tabarani, comme on a dit tout à l'heure, il n'y a pas la dernière partie que celui qui va voir un voyant et qui croit en ce qu'il dit. Bon, cette partie-là n'est pas mentionnée dans sa narration du hadith. Ensuite, le cheikh il continue l'explication du cheikh du texte de Kitab al-Tawhid. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit « قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال ابن تيمية أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم مما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. أوكي. شيخ ذكر الإمام البغوي إلى ذكر العراف c'est celui qui prétend connaître les choses qui ont été volées ou les endroits où les choses perdues se trouvent en utilisant des moyens ou certaines choses qu'il utilise comme preuve ou comme indication de l'endroit où se trouvent ces choses-là. Et il mentionne par la suite, il dit, et il a été dit également que le kahin, c'est le arraf. Et il dit que le kahin, c'est celui qui informe au sujet des choses de l'avenir, des choses de l'avenir. Et on dit aussi que c'est celui qui informe au sujet de ce qui est à l'intérieur des cœurs. Hein, c'est-à-dire, il prétend connaître ce qui est dans le cœur des gens. Et le cheikh Ibn Taymiyyah, Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah, il dit que Al-Arraf, c'est un nom qui comprend plusieurs catégories de personnes. Le Kahin, le Munajjim et Al-Rammal. Et toute personne qui parle de ces choses-là, de ces façons-là. C'est-à-dire Al-Kahin, Al-Arraf, c'est le Kahin, celui qui est un médium ou un voyant ou quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. C'est aussi l'astrologue. Celui qui prétend connaître le destin des gens par rapport à l'astrologie et les étoiles, et les constellations et les signes zodiaques. Et Ar-Rammal, c'est celui qui essaie de ou qui prétend connaître l'avenir en se basant sur qu'est-ce qu'il écrit dans le sable, d'accord, et des trucs de ce genre. Donc toute personne qui parle de ces choses-là, de ces façons-là, ou de d'autres manières, bon, il rentre dans la définition du terme Al-Arraf. Et donc le cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit ثم ذكر الشيخ رحمه الله تفسير هذه الألفاظ التي وردت في هذا الباب نقلا عن البغوي وهو الإمام الحافظ الجليل محيي السنة الحسين بن مسعود البغوي نسبة إلى بغ من بلد المشرق لأنها من حرفين فإذا نسب اسم اسم من اسم من حرفين تزاد فيه واو فيقال بغوي مثلا وهو إمام جليل سلفي العقيدة له مؤلفات جليلة منها تفسير البغوي المطبوع المعروف المتداول وهو يشبه تفسير ابن كثير في التحقيق والأصالة وسلامة العقيدة إلا أنه أخسر من تفسير ابن كثير ومنها شرح السنة الذي يتكون من حوالي أربعة عشر مجلد وقد طبع والحمد لله ومنها مصابيح السنة التي رتبها وزاد عليها التبريزي في كتاب مشكات المصابيح فهو إمام جليل رحمه الله وهو من أئمة الشافعية ويلقب بمحي السنة لأنه إمام مجدد رحمه الله. Donc le cheikh il dit qu'il a été rapporté également dans le tafsir de dans ce chapitre-là, c'est-à-dire le cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a rapporté ou mentionné l'explication des termes qui sont utilisés dans ce chapitre, dans les hadiths, comme par exemple Al-Arraf et Al-Kahin, qu'est-ce que ça signifie. Et pour définir ces termes-là, l'imam, il mentionne les paroles de l'imam Al-Baraoui. Et l'imam Al-Baraoui, c'est un des grands imams, un hafiz, un des gens qui a fait revivre la sunna à son époque, qui s'appelle Al-Hussein ibn Mas'ud Al-Baraoui. Et il vient d'une ville qui s'appelle Bar, et c'est pour ça qu'on l'appelle Baraoui. C'est une ville en Orient. Et étant donné qu'elle est composée de deux lettres, Bar, donc lorsqu'on attribue cette ville-là, on dit que quelqu'un vient de cette ville, on rajoute un waouh, parce que quand il y a deux lettres seulement, on rajoute le waouh, ça devient Baraoui. Et donc ça veut dire qu'il vient de la ville qui s'appelle Bar. Et c'est un grand imam, et il a une aqida salafia, c'est-à-dire que dans sa aqida, c'est un salafi, et il a de nombreux ouvrages et de nombreux livres qu'il a écrits. Parmi les livres qu'il a écrits, il a un tafsir qui a été publié, qui est en vente, qui se vend, qui est très connu, Tafsir al-Baraoui. Et c'est un tafsir qui ressemble beaucoup au tafsir de l'imam Ibn Kathir, dans son style et dans sa manière de ramener les preuves et les informations. Et il n'a pas d'erreur dans le sens de l'aqida. Il n'y a pas de contradiction à la aqida des salafs dedans. En principe, c'est un tafsir salafi. Et comme celui de l'imam Ibn Kathir. Et donc, c'est un bon tafsir, un parmi les bons tafsirs. Toutefois, il est plus résumé et plus court que celui de l'imam Ibn Kathir. Ibn Kathir rentre plus en détail. Il mentionne plus de choses, tandis que Al-Baraoui, il est plus résumé. Il a également un autre livre qui s'appelle Sharh Sunnah. Un livre qui s'appelle Sharh Sunnah et qui est publié actuellement en 14 volumes. Et il est disponible dans les librairies dans les pays musulmans, ce livre-là. Et parmi les livres qu'il a aussi, il y a un livre qui s'appelle Masabih Sunnah. Et il a été mis en ordre et on a ajouté même à ce livre-là. Et c'est le livre de At-Tabrizi qu'on appelle Mishkat al-Masabih. Donc ça c'est, disons, le livre de l'imam al-Baraoui, c'est Masabih al-Sunnah, et le livre de At-Tabrizi, l'imam al-Tabrizi, c'est Mishkat al-Masabih. Donc c'est à la base le livre de l'imam al-Baraoui auquel a rajouté l'imam al-Tabrizi d'autres hadiths. Et donc c'est devenu Mishkat al-Masabih. D'accord? C'est ça. Et il a aussi d'autres livres dans le fiqh aussi, et dans d'autres sujets de l'islam. Ok? Et le cheikh il dit que c'est un grand imam, un des imams parmi les imams de Al-Shafi'iyya, qui suivait la voie de l'imam Al-Shafi'i, ou le madhab de l'imam Al-Shafi'i, et on l'appelait Muhyi Sunnah, celui qui a fait revivre la Sunnah. Son livre de fiqh d'ailleurs, il est vraiment unique en son genre, il a un style vraiment particulier, et il ramène les preuves et tout, puis il rentre dans les discussions vraiment approfondies dans les questions de la Sunna. Vraiment, c'est un livre, mashallah, très très bénéfique. J'ai oublié le titre malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Il est disponible aussi, il est publié. Le cheikh dit ensuite Al-Arraf, هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك هذا من الشيطان فالشيطان تأتيه بذلك ولكن يتظاهر بعمل أشياء يظن الناس أن هذه الأشياء من الأمور المباحة ولكن هذه رموز فقط، وإلا في الحقيقة هو يتعامل مع الشيطان، وإلا ما الذي يدريه أن مكان المسروق وما الذي يدريه عن مكان الضالة لولا أنه يتعامل مع الجن ومع الشياطين. الشيخ الذكر العراف comme le cheikh al-Baghawi l'a défini, c'est celui qui prétend connaître les choses qui ont été volées et les choses qui ont été perdues, égarées, hein, qu'on a perdues. Et il utilise des méthodes qu'il a pour essayer de découvrir ou d'informer les gens au sujet de ces choses-là. Et le cheikh il dit, et ça c'est le shaitan qui l'aide à faire ces choses-là. Hein. Il dit parce que c'est le shaitan qui lui amène ces choses-là, qui l'informe de ces choses-là. Il dit, mais il essaie de montrer en faisant toutes sortes de simagrées, de toutes sortes de trucs qu'il fait devant les gens pour montrer que il n'a pas rapport avec les shayatines, alors qu'en réalité c'est avec l'aide des shayatines qu'il arrive à faire ça. Sinon, le shaykh il dit, tout ça c'est juste des signes et des images ou des trucs une apparence qu'il se donne, alors qu'en réalité il a un rapport avec les djinns. Sinon, comme... Oui, c'est ça. Si ce n'était pas du fait que la personne a un lien avec les djinns, comment il peut arriver à savoir où sont les choses perdues et les choses volées, hein? Qui peut l'informer de ces choses-là s'il n'a pas un lien avec les djinns et avec les shayatins? C'est pas possible. Donc le cheikh dit, وقد قال وقيل هو الكاهن أي العراف والكاهن سواه نعم والكاهن سواه لأن كلا منهما يخبر عن الأمور أو سواه والكاهن سواه لأن كلا منهما يخبر عن الأمور الغائبة بواسطة الشياطين فكلهم عملاء للشياطين وإن اختلفوا في الاسم هذا عراف وهذا كاهن فالمعنى واحد والمهنة واحدة وهي ادعاء علم الغيب وإن اختلف اللفظ. Donc le cheikh ici il dit que il y en a d'autres qui ont dit que le araf c'est la même chose que le kahin, et il dit que en fait le kahin et le araf les deux sont pareils parce que les deux informent au sujet des choses invisibles ou cachées, hein, des choses qui ne sont pas connues, en utilisant l'aide des shayatines. Et donc, ils sont tous des gens qui travaillent pour les shayatines. Et même s'ils diffèrent ou ils sont différents dans les appellations ou les noms qu'on leur donne, à la base, ils font tous la même chose. Et donc, le araf et le kahin, c'est la même signification les deux. Et c'est un seul et même travail ou métier, disons, c'est la même chose les deux. Et c'est le fait d'informer de ce qui a été caché et qui fait partie du raid. Même si on les appelle par des noms différents. Après le cheikh il dit, وَالْكَاهِمْ وَالَّذِي يُخْبِرُ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ. Il y en a d'autres qui ont dit que le kahin c'est celui qui informe sur des choses de l'avenir. بسبب أن الشياطين تخبره بما تعلم ومما لا يعلمه الإنسان. لأن الشياطين تدري عن أشياء لا يعرفها الناس. فيخبرون الناس في مقابل أن الناس يخضعون لهم ويفعلون ما يطلبونه منهم من الشرك والكفر بالله عز وجل. ويتقربون إليهم فإذا تقرب الإنس إلى الجن بما يريد قدمه الجن بما يطلبه من الأمور الغائبة. Donc c'est ça, le cheikh explique que le kahin c'est celui qui informe au sujet des choses qui sont cachées à cause des shayatin, hein, et qu'il informe les shayatines l'informent de certaines choses que les hommes ne peuvent pas connaître. Parce que les diables arrivent à connaître des choses que les hommes ne connaissent pas. Hein, de différentes façons. Du fait qu'ils ont des capacités que les êtres humains n'ont pas. Hein, et donc ils informent certaines personnes de certaines choses en échange de leur soumission à eux. C'est-à-dire, ils disent, bon, si tu nous obéis, puis que si tu te soumets à nous, puis que tu nous adores, des trucs de ce genre, ben on va te donner en échange des informations, des choses inconnues, des choses invisibles, et ils, donc ils font ce pacte avec les diables. Hein. Et donc, yani, en échange de ces renseignements-là, ils font tout ce que les diables demandent des formes de shirk et de kufr. Hein. Et ils se rapprochent des diables en faisant ces formes d'adoration-là pour les diables. Et lorsque l'être humain adore lorsque l'être humain se rapproche du djinn en le servant, en servant le djinn, et en faisant ce que le djinn demande, eh bien, le djinn en échange, il lui donne les informations des choses cachées. وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير يعني عما في النفس ولا يعلم ما في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى ولكن الشيطان قد يعرف شيئا من هواجس الإنسان لأنه هو الذي يسوس الإنسان ولأنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ويعرف الشيطان إلى الإنسان ما لا يعرفه الإنسان عن الإنسان. Le Cheikh explique ici, il dit que, comme on l'a dit, aussi certains ont rapporté parmi les ulama que le kahin, c'est celui qui informe au sujet de ce qui est dans le cœur des gens. Et le Cheikh, il dit que, c'est-à-dire, Abdamir, c'est qu'est-ce qui est à l'intérieur, dans le cœur, à l'intérieur de l'âme de la personne, dans son cœur. Et il dit que personne ne sait ce qui est dans les cœurs excepté Allah. Le Cheikh, il dit, personne ne peut savoir ce qui est dans les cœurs, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le Cheikh, il dit, mais parfois, le diable, il peut arriver à connaître certaines choses qui est en l'homme, hein, parce que il soupire des suggestions, hein, il insouffle des suggestions à l'être humain, et il circule en l'être humain, comme le sang. Donc, il connaît des choses au sujet de l'être humain que l'être humain ne connaît même pas à propos de lui-même. Et donc, parfois, il peut arriver à informer les voyants de certaines informations de ce qui se passe parfois en cet être humain-là. Et c'est pour ça que ceux qui disent, par exemple, qu'il y a ceux qu'ils appellent, par exemple, les khawas, hein, les gens, les élites ou les particuliers, parmi les gens qui, soi-disant, sont capables de savoir qu'est-ce qui est en le cœur d'une personne, de savoir qu'est-ce que telle personne a fait comme péché, ou de savoir qu'est-ce que la personne a fait comme faute ou erreur. Il y en a qui ont ces idées-là. Hein. Ouais. Comme le frère qui est allé dans, comme tu dis, attends, lui c'est un non-musulman, est allé voir un spectacle de magicien, et ce magicien-là, il disait, il y a dans la salle quelqu'un qui a un tatou à tel endroit, puis il y a quelqu'un dans la salle, il s'est marié telle date et tout, et ça arrivait, hein, c'était vrai. Donc c'est comme le frère dit, ça c'est les diables qui informent ce magicien-là de ces choses-là. Sinon, comme tu l'as dit à ce gars-là, tu l'as dit, mais sinon, comment il fait pour le savoir? C'est quoi l'explication logique et scientifique, hein? Mais là, il faut aller loin, là, pour faire tout ça. Et puis, ils n'ont pas accès à ça, exactement. Donc ça, d'essayer de rentrer dans les informations privées et personnelles des gens pour essayer de savoir ces choses-là, ça, ce serait vraiment pas si simple que ce que ces gens-là prétendent pour arriver à savoir. Il y en a qui s'est arrangé. Peut-être qu'avant le spectacle, ils se sont arrangés avec les personnes pour dire, bon, moi je vais dire que telle personne a ça, et là vous allez vous lever et vous allez dire oui je l'ai, alors qu'ils sont arrangés avec le magicien et ils le savaient déjà avant le spectacle, ils se connaissent, mais c'est fait de façon à montrer qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Ça c'est une possibilité, mais aussi une autre possibilité, que vraiment il a rapport avec les djinns et les shayatins, et qu'il a l'aide des diables pour faire ces affaires-là. Oui, c'est ça. Il peut le dire à un autre diable. Exactement, oui. C'est ça. Exactement. Donc, s'il y a un diable qui suit toujours un autre, hein, donc, c'est ça. Il y a des soufis qui croient ça, que le cheikh, le wali, ou le cheikh soufi, il voit ce que tu as dans ton cœur, sans même que tu parles. Si tu rentres, il sait que tu n'as pas fait la prière de Fajr. Il sait que tu as fait tel ou tel péché. Il y a des... Ouais, c'est ça. Il y en a qui disent ça. Hein? Ouais, c'est ça, parce que j'ai envoyé certaines citations. Je te laisse envoyer. Je ne l'ai pas envoyé à tout le monde. J'ai envoyé à certaines personnes, mais je vais te les envoyer, Inch'Allah. Donc, attends, où est-ce qu'on était? Ah oui. Donc, ça, c'est des exemples. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui est dans ton cœur, quel péché t'as fait ou des trucs comme ça. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut le savoir seulement. Hein, donc, oui. Et que, justement, sûrement ces chouïrs-là, comment ils savent quel péché t'as fait ou des trucs comme ça? C'est parce qu'ils travaillent avec les djinns, les shayatins, et les shayatins informent ce soi-disant cheikh soufi des péchés que tu as fait ou des choses que tu as fait, et non, pas dans son cœur, mais il est avec toi, il voit qu'est-ce que tu fais quand tu fais des péchés, donc il le dit à cette personne, et lui il te voit et te dit ah, je sais que tu as fait telle affaire, hein? Et c'est avec le shaitan qu'il fait ça. Bien sûr. Et c'est ça, c'est vrai. C'est vrai, souvent les devins ils parlent du passé, comme tu dis. Mais quand ils parlent de l'avenir, il va dire des choses mélangées avec des mensonges et des vrais. Et dans le passé, bon, les chertins, ils peuvent lui dire des choses du passé à ton sujet et tout comme ça. Oui, c'est ça. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, il y en a beaucoup de koufars comme ça, j'ai rencontré, même dans ma famille, parmi mes oncles, mes tantes, et ils disent, moi j'étais allé voir telle personne, un voyant, et tout ce qu'il m'a dit de mon passé, c'était vrai. Ok, donc c'est ça. Donc, comme je disais, les koufars, ils vont dire, ah oui, je suis allé le voir, et tout ce qu'il m'a dit de mon passé, il m'a dit des choses là, c'était tout vrai, tout comme tu dis. Donc, eux, ils utilisent ça comme par la suite pour dire, ah, donc c'est quelqu'un de véridique et tout. Mais ils ne savent pas d'où il prend ces informations-là. Et ils ne se posent pas la question que c'est avec les diables et tout ça. Et ça, c'est l'égarement total, c'est l'ignorance en fait, c'est l'ignorance totale. Ok. Le cheikh, il dit ensuite, hein, souvent les médiums, qu'est-ce qu'ils disent, les voyants, ils disent, ah, ça c'est un don que j'ai reçu de mon grand-père ou de mes ancêtres, on avait ça dans la famille, c'est un don, hein. La même chose que les soufis, ils disent que la wilaya, la sainteté, c'est quelque chose qui se transmet de père en fils, et que il la donne à qui il veut, c'est comme un don. Ils ont toute cette notion-là de dons là, ou des trucs comme ça, alors que c'est pas un don, c'est un pacte avec le diable qu'ils font. Ok, donc le chef explique par la suite. Donc tout ce qu'on vient de mentionner là maintenant, c'est tiré du tafsir de l'imam al-Baraoui. Maintenant il parle de la parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit que قال Ibn Taymiyyah, hein, Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah, أبو العباس هذه كنيته وليس له ابن اسمه العباس لأنه لم يتزوج رحمه الله ولكن يجوز أن الإنسان يكنى بأبي فلان ولو لم يكن له ابن وهو أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية شيخ الإسلام الإمام المجدد المشهور الذي نفع الله بعلومه ولا يزال نفعه مستمرا ولله الحمد وكتبه لا تزال موضع تنافس طلاب العلم للحصول عليها والاطلاع عليها وهذا مما كتبه الله من الكرامة لهذا العالم الجليل لصدق نيته وإخلاصه وجهاده في سبيل الله عز وجل وصبره واحتسابه. شيخ الذكر ابن تيمية أبو العباس c'est sa kunya, ابن تيمية c'est son laqab, et il dit qu'il n'avait pas de fils qui s'appelait Al-Abbas, même si on l'appelle Abu al-Abbas. Parce qu'il n'y a pas de fils, parce qu'il ne s'est jamais marié. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ne s'est jamais marié. Bon, toute sa vie, il était en prison, il était toujours soit en prison, soit dans le djihad, soit en train d'enseigner ou d'écrire. Donc, malheureusement, il n'a pas eu l'occasion de le faire. Toutefois, son élève, Ibn Qayyim al-Jawziyya, il s'est marié, il a eu des enfants. Hein. Donc, tu vois, c'est pas parce que, bien entendu, il ne voulait pas. Hein. Peut-être que c'est pas arrivé. Donc, ça c'est à ce sujet. Et toutefois, le cheikh il dit, c'est permis qu'un être humain ait une kunya et qu'il s'appelle Abi, père d'un tel, ou Abu Fulan, même s'il n'a pas un fils qui s'appelle de tel nom, comme Abu Huraira. Il n'avait pas un fils qui s'appelait Huraira. C'était parce qu'il avait un petit chat qui s'appelait comme ça. Et donc, ça c'est un exemple que, par exemple, Aïcha, radiallahu anha, s'appelait Umm Muhammad. Umm Muhammad. Oui, Umm Muhammad, elle n'avait pas de fils. Elle n'avait pas d'enfant. Aïcha, radiallahu anha. Non. Umm Abdullah, oui, ça se fait. Soit Umm Abdullah ou Umm Muhammad. Umm Abdullah. Oui, c'est ça. Umm Abdullah. Barakallahu fiqh, oui c'est ça, Umm Abdullah, c'est ça, je me suis confus. Donc Barakallahu fiqh, à ce sujet c'est Umm Abdullah. Et ça c'est un exemple aussi de quelqu'un qui a une kunya qui n'a pas de fils de ce nom-là. Et la kunya, ça fait partie de la sunna d'avoir une kunya. Et de nos jours, quand tu mentionnes à quelqu'un ta kunya, il y a des gens qui trouvent ça comme bizarre, comme étrange. Pourquoi t'as ça? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Hein, ça m'est déjà arrivé une fois. Quelqu'un disait, mon nom c'est, je disais comme Abu Hamad, tel, mais pourquoi Abu Hamad, c'est quoi cette affaire-là, et tout, comme si c'était quelque chose d'étrange. Et j'ai expliqué, non, ça fait partie de la sunna, les sahabas ils avaient une kunya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il donnait des kunya à certains de ses sahabas, et donc il n'y a rien d'étrange là-dedans, c'est juste quelque chose que les musulmans, certains musulmans ont perdu avec le temps. Hein. Une habitude que les gens ont perdu avec le temps, sûrement à cause des Occidentaux, à cause de la colonisation, des trucs comme ça. Aussi le nom de famille, la façon dont les musulmans aujourd'hui prennent leur nom, leur nom de famille, ça vient des Occidentaux. Les musulmans avant, c'est pas comme ça qu'ils se nommaient. Ils disaient le nom de la personne, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. Il n'y avait pas le nom. Ok. Donc, Abu al-Abbas, on a expliqué. Abu al-Abbas, son nom c'est Ahmad, hein, Ibn Taymiyyah, son nom c'est Ahmad ibn Abdul Halim, hein, Ahmad, fils d'Abdul Halim, fils d'Abdul Salam ibn Taymiyyah. Cheikh al-Islam, on l'appelle Cheikh al-Islam, et c'est l'imam, le réformateur, très célèbre, très connu. Hein, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que, par sa science, il y a eu beaucoup de bienfaits dans la Ummah, et jusqu'à aujourd'hui, le bienfait de sa science, la science qu'il a laissée, est toujours en train de se faire perpétuer, c'est-à-dire les gens continuent à répandre sa connaissance, répandre ses livres. Aussitôt que quelqu'un, on entend parler d'un livre qui a été publié, un nouveau manuscrit qui a été trouvé d'Ibn Taymiyyah, c'est comme tout le monde se précipite pour le faire publier, pour l'acheter, pour le lire. Donc, les étudiants de sciences, ils recherchent ces livres avec un désir ardent d'en profiter, et ça fait partie des miracles en fait, hein, d'une karama que Allah a fait à cet imam, qu'il a fait en sorte que sa science soit préservée, et que qu'est-ce qu'il a laissé de bienfait, continuer à profiter la Ummah jusqu'à aujourd'hui, à cause de la sincérité de son intention et de la pureté de sa lutte dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et à cause aussi de sa patience et de son endurance dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit, قال العراف, hein, قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. لأن كلمة الأعراف عما يدخل تحتها كل من يدعي معرفة المستقبل سواء بكهانة أو بتنجيم أو بخط في الرمل، فكلهم يتعامل مع الشياطين ويتقربون إليهم. ولهذا يقول الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهذا يدخل فيه الكاهن والنجم والرمال والعراف، كلهم يدخلون تحت كلمة أفاك أثيم، تتنزل عليهم الشياطين بخلاف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإنهم تتنزل عليهم الملائكة. ولهذا قال: وما تنزلت به الشياطين، يعني القرآن، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام تتنزل عليهم الملائكة من الرحمن، أما الكهان فتتنزل عليهم الشياطين. فهذا يشمل كل من يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، ممن يخبر عن هذه الأشياء بتلك الأمور التي يسمونها الخط في الرمل إلى آخره. فهذا تفسير جامع. أوكي. Le Cheikh il dit que Al-Arraf c'est un nom qui comprend beaucoup de différentes catégories, de catégories de personnes qui prétendent connaître l'avenir. Comme par exemple le mot kahin, le mot munajjim, kahin, celui qui est un voyant, un médium, al-munajjim, l'astrologue, celui qui lit les étoiles, les constellations, ar-rammal, celui qui lit qui écrit dans le sable pour connaître l'avenir. C'est donc une parole qui est générale. Al-Arraf, c'est un nom qui implique toutes ces catégories de personnes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et toute personne qui prétend connaître l'avenir, peu importe que ce soit par la voyance, ou que ce soit par l'astrologie, ou par le fait qu'il écrit qu'il fait des signes dans le sable ou autre chose, tous ces gens-là ont un lien avec les shayatins et se rapprochent au diable. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Shu'ara, le verset 221 jusqu'à 223, il dit: est-ce qu'on va on va vous informer sur qui descend les diables? Ils descendent sur tous les menteurs et pécheurs, les grands menteurs et les grands pécheurs, hein, ceux qui inventent des mensonges et qui sont des pécheurs. Ils prêtent l'oreille et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Ils prêtent l'oreille, la plupart d'entre eux sont des menteurs. Donc ça c'est au sujet des viseurs de bonne aventure. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les diables descendent sur eux. Hein, les diables descendent sur eux pour leur donner des informations. Donc c'est des gens qui ont rapport avec les diables. Et ce sont des menteurs et des grands pécheurs. Ensuite le Cheikh dit donc que tous ces gens-là rentrent dans cette catégorie de personnes sur qui les diables descendent. C'est-à-dire les gens qui sont des médiums, des voyants, des astrologues, ou des gens qui crient dans le sable, ou qui prétendent connaître l'avenir. Tous ces gens-là rentrent dans le terme, ou dans la description, Afak Asim. C'est-à-dire un grand menteur et un grand pécheur. Et c'est sur eux que descendent les diables. Il dit, contrairement aux prophètes, parce que les prophètes, qui descendent sur eux, ce sont les anges. Les prophètes, les anges descendent sur eux, contrairement à ceux-là. Et le diable ne peuvent pas descendre avec quelque chose semblable au Coran. Il dit, et ils ne peuvent pas, et ils ne sont pas capables de le faire. Hein? C'est pas possible pour eux, et ils ne seront pas capables de le faire, d'amener quoi que ce soit comme le Coran. Et les prophètes, que la paix et le salut d'Allah soient sur eux, les anges descendent sur eux de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux. Toutefois, comme on a dit, les gens qui prétendent connaître l'avenir, c'est les diables qui descendent sur eux. Et donc, donc Al-Arraf, c'est toute personne qui prétend connaître ou avoir une connaissance de ces choses-là dont on a parlé, en utilisant ces méthodes, hein, qu'on a expliquées, soit par en écrivant dans le sable ou les autres exemples. Donc ça c'est une explication générale, globale de ce terme-là. أما الاختلاف، أما اختلاف الوسائل هذا يستعمل كذا وهذا يستعمل كذا فلا عبرة بها، لأن النتيجة هي ادعاء علم الغيب، نتيجة واحدة، والذي يهمنا النتيجة والحكم، فالنتيجة الإخبار بعلم الغيب وادعاء مشاركة الله سبحانه وتعالى في علم الغيب، والحكم أن كل هؤلاء كفرة لأنهم يدعون مشاركة الله تعالى في صفة من أعظم صفاته وهي علم الغيب. Donc le cheikh il dit que peut-être que ah oui peut-être que on voit que les méthodes que ces gens-là utilisent sont différentes. Ils utilisent entre eux des méthodes différentes pour essayer de prétendre ou de dire l'avenir. Mais tout ça c'est des choses qui n'ont pas d'importance en réalité, c'est-à-dire la différence entre eux, quelles méthodes ils utilisent. Qu'est-ce qui est important? C'est le résultat, c'est-à-dire que ces gens-là prétendent connaître l'avenir. Et c'est tous le même, ils ont tous le même résultat, le même objectif, c'est de dire on connaît l'avenir. Donc, qu'est-ce qui est important? En fait, c'est ça, c'est le résultat et le verdict. Le résultat, c'est de dire qu'ils informent au sujet de l'avenir, et donc en disant qu'ils connaissent le règne, l'avenir ou les choses cachées, eh bien ils sont en train de dire qu'ils sont partenaire avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une de ses attributs, c'est-à-dire l'attribut de connaître l'invisible ou de connaître le ghaib. Et ça c'est shirk, parce que tu donnes à Allah des partenaires dans cet attribut-là, ok, et dans ce nom-là. Donc ça c'est shirk, et c'est pas permis pour quelqu'un de dire qu'une créature connaît le ghaib. Et dans le verdict c'est, de ces gens-là, c'est quoi? C'est que ce sont des koufars, parce qu'ils prétendent posséder une des attributs, parmi les plus grandes attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est à ce sujet-là, ça c'est important de comprendre. Et le cheikh il dit, « Wa al-shaykh rahimahullah, qala al-shaykh rahimahullah, wa qala ibn Abbasin fi qawmin yaktubuna abajad, وينظرون في النجوم أبا جاد المراد أوي فسي لطعال كي أنت منسيونيك يدي وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. أوكي فسي لدرني أشوز كي منسيوني dans ce chapitre. Le cheikh explique ça, c'est-à-dire que Ibn Abbas a dit toute personne qui écrit Abba Jad et qui regarde dans les étoiles, c'est-à-dire pour prétendre connaître l'avenir par l'horoscope ou les étoiles, les constellations, Ibn Abbas, radiallahu anhu, il dit, celui qui fait ces choses-là, je ne crois pas qu'il n'ait aucune part dans l'au-delà, auprès d'Allah. Donc, auprès d'Allah, il n'a aucune part dans l'au-delà. Donc, le cheikh, il explique maintenant qu'est-ce que ça veut dire cette parole-là de Ibn Abbas. Le cheikh, rahimahullah, قال Ibn Abbas في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أبا جاد المراد بها حروف الجمل وهي التي هي أبجد هوز حطي وكلما إلى آخره. وهي حروف مقطعة يكتبونها لتمييز الجمل والمشعوذ إذا كتب هذه الحروف قال يحدث كذا ويكون كذا وهذه في الحقيقة طلاسم وهؤلاء هو الذي قال فيهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما أرى من فعل ذلك أي كتب هذه الحروف ونظر في النجوم وأخبر أنه سيحدث كذا وكذا له عند الله من خلق أي ليس له نصيب من الجنة عند الله ومعناه أنه كافر لأن الذي ليس له عند الله من خلق هو الكافر كما قال تعالى في السحرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. Donc ici le cheikh explique que la parole d'Ibn Abbas, que ceux qui écrivent Abjad et qui regardent dans les étoiles ou dans les constellations, ils n'ont aucune part dans l'au-delà avec Allah. Ça, il explique que Abjad, c'est quoi? C'est des lettres alphabétiques. Et souvent, on utilise ces lettres alphabétiques-là, de l'alphabet arabe, pour distinguer les différentes phrases. Quand on écrit un texte, par exemple, on va écrire, par exemple, Alif, après Ba, après Jim, après Dal, etc. Après Ha, donc, c'est pour distinguer les différents points, les différentes phrases dans un texte. Même en français, des fois, on utilise ça, comme par exemple, on va mettre, par exemple, A, parenthèse A, parenthèse B, parenthèse C, pour dire les différentes questions, des fois dans un questionnaire, ou bien chapitre, ou des trucs de ce genre. Donc, le cheikh, il dit que ça, c'est utilisé par les magiciens, cette forme de séparation des lettres alphabétiques, ils utilisent la magie en utilisant les lettres. Et aussi, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent parfois à chaque lettre une valeur numérique. Et ils écrivent des talismans avec ces lettres-là, avec des carrés, puis tout ça, des lettres, et tout ça. Donc, Allahu A'lam, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça signifie, comment ils les utilisent, toutefois ils font ça avec ces lettres-là. Et le cheikh explique que celui qui, ils font ça, et c'est une méthode des charlatans, et c'est une forme de talisman ou d'amulette qu'ils écrivent avec ça aussi. Et ils prétendent pouvoir dire l'avenir avec cette méthode-là aussi. Le cheikh il dit que ceux dont Ibn Abbas a dit à leur sujet que il dit que celui qui regarde dans les étoiles et celui qui prétend savoir l'avenir avec les lettres alphabétiques et tout ça, il dit que donc ça veut dire que ces gens-là qui font ça, ils n'ont aucune part dans le paradis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est kafir. Parce que celui qui n'a pas de part dans le paradis, c'est le kafir. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit au sujet des magiciens dans Surat al-Baqara, et ils ont certes su avec certitude que celui qui apprenait la magie et utilisait la magie, il n'aurait aucune part dans l'au-delà. Donc ça veut dire ça. Après le cheikh il dit wa hada هذا فهذا حكم عبد الله بن عباس رضي الله عنه على أصحاب التلاصم الذين يكتبون الحروف المقطعة وينظرون في النجوم ويقولون سيحدث كذا، فهذا من ادعاء علم الغيب، وهو طريقة من طرق الكهانة والعرافة والتنجيم أو السحر. سميها ما شئت، لا يهمنا الأسماء، الذي يهمنا النتيجة والحكم الشرعي. أما الذي يكتب الحروف حروف الجمل لتمييز الجمل فقط، وهو تمييز الفقرات، فهذا لا بأس به. مثلا الفقرة ألف، الفقرة باء، الفقرة جيم، الفقرة دال، هذا لا يدعي به علم الغيب، وإنما يريد ترتيب الجمل فقط. الشيخ يقول ابن عباس dit à propos des gens qui font ces genres de talismans et qui écrivent les lettres de cette façon et qui regardent dans les étoiles ou dans les constellations pour dire il va y arriver telle ou telle ou telle chose, et ben ça fait partie de ceux qui prétendent connaître l'invisible. Et c'est une parmi les méthodes que les gens utilisent pour faire de la voyance ou prétendre connaître l'avenir ou lire les étoiles ou faire de la sorcellerie. Il dit appelle-le comme tu veux, c'est pas important. L'important c'est pas les noms, l'important c'est le résultat et le verdict de la charia à ce sujet-là. Il dit mais si par exemple quelqu'un écrit juste les lettres comme ça, juste pour distinguer entre les différents paragraphes ou les différentes phrases, en mettant des lettres comme par exemple Alif, Ba, Jim, Dal, etc. Donc là, dans ce cas-là, s'il ne prétend pas connaître l'avenir, dans ce cas-là, c'est pas grave, c'est juste pour distinguer entre les différentes phrases, donc il n'y a pas de problème. Ensuite, il dit, والحاصل أن هذا باب عظيم لا يعالج أمراضا واقعة لأنه يعالج أمراضا واقعة في العالم اليوم. ولا أقول في العالم الكافر لأنه ليس بعد الكفر ذنب، ولكن في العالم الإسلامي، وربما يسمونه أعمالا رياضية وفنونا تشكيلية. ووجود هذا الوباء، وباء السحرة والمشعوذين والدجالين والكهنة والمنجمين، ويسمون هذا من باب الفنون، أو يسمونهم بأسماء تدل على تبجيلهم وعلى أنهم أصحاب علم وأصحاب خبرة، أو أشد من ذلك يدعون أنهم أولياء الله وأن هذه كرامات تدل على أنهم من أولياء الله، فهذه ليست كرامات وإنما هي خوارق شيطانية، لأن الكرامات هي التي تجري على أيدي الصالحين وليس لهم فيها تصرف منهم وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فالكرامات تجري على أيدي رجال صالحين مستقيمين على الكتاب والسنة، والخوارق الشيطانية تجري على أيدي كفرة مشعوذين. وأيضا الكرامات لا صنع للآدم فيها، وإنما يجريها الله سبحانه وتعالى بخلاف هذه الخوارق الشيطانية، فهي حيل ومهن وحرف وتججين يعملونه هم، ويتظاهرون أمام الناس أنه بسبب هذه الأشياء حصل ما حصل، وهو في الحقيقة إنما هو من عمل الشياطين الذين لا يراهم الناس. Donc le cheikh dit donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire que c'est ce chapitre-là dont on a parlé, c'est un grand chapitre important parce qu'il résout et il remédie à des grandes maladies qui sont présentes dans le monde musulman actuellement. Il dit, je ne dis pas dans le monde mécréant, je dis dans le monde même dans le monde musulman, parce qu'après la mécréance, il n'y a pas de péché. Hein? Après la mécréance, il n'y a pas de péché, parce que le plus grand péché, c'est la mécréance et le shirk. Donc après la mécréance, il n'y a plus de péché. Donc il dit, je ne dis pas que c'est juste dans le monde mécréant, mais même dans le monde musulman. Et même des fois, tu vois des gens qui vont faire ces choses-là et ils vont les appeler des exercices ou de l'art, ou bien ils vont appeler ce malheur ce malheur, c'est-à-dire le malheur de la magie, de la sorcellerie, des Dajjalin, des gens qui prétendent connaître l'avenir, l'horoscope et tout ça, ils appellent ça les comme on a dit la dernière fois, comment on disait, il y a un terme qu'ils utilisent là quand ils font ils font leur convention là, ils ont un terme qui dit les arts occultes, non pas les sciences occultes, c'est ça, les trucs de sciences occultes ou arts occultes ou je sais pas quoi là, et ils appellent ça aussi ésotérisme, les sciences occultes. Donc tout ça c'est des exemples, comment ils appellent ça. Et il leur donne toutes sortes de noms pour essayer de glorifier cette chose-là, puis de montrer aux gens que ces gens-là ont une science et une connaissance et une expérience, etc. Et même parfois encore pire que ça, ils se font appeler Awliya, Awliya Allah. Ils se font appeler comme si c'était des saints. Et le cheikh, il dit que tout ça, en réalité, ce sont des karamats. Ils disent que ce sont des karamats. C'est-à-dire, ils disent que ce sont des miracles qu'ils font. Mais le cheikh, il dit, ils disent que, ah oui, surtout les soufis, ils disent que pour être un wali, il faut que tu fasses des miracles. Si tu ne fais pas de miracle, tu n'es pas un wali, tu n'es pas un saint, tu n'es pas rapproché d'Allah. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Un wali, un rapproché d'Allah, c'est un musulman qui croit en Allah, qui crée en Allah, qui fait ce qui est obligatoire, qui s'éloigne de ce qui est haram. Ce n'est pas nécessaire que tu fasses un miracle quelconque. Et il y a plein parmi des sahaba et des hommes pieux qui n'ont pas fait de miracle et qui étaient parmi les plus rapprochés d'Allah et les plus proches d'Allah. Donc ça n'a rien à voir. De toute façon, pour eux, ils disent, si t'es un wali, il faut que tu fasses des miracles. Et donc, ils utilisent n'importe quel moyen pour arriver à en faire, même en utilisant l'aide des diables et des shayatins. Après, ils disent, ça c'est des miracles, alors que c'est pas vrai, c'est pas des miracles. Quand ils font des trucs de ce genre, des trucs de sorcellerie ou de magie et de trucs comme ça, ils disent, ah, ça c'est la preuve que ce sont des awliya et des saints et des gens rapprochés d'Allah. Alors qu'en réalité ce ne sont pas des miracles, en fait c'est des tours et des ruses que le shaitan leur permet de faire. et les aide à faire. Parce que le cheikh dit parce que la réalité des miracles, des karamats, comme on les appelle, eh bien, les pieux, les personnes pieuses qui les font, ils n'ont aucun choix dedans. C'est-à-dire que les miracles qui arrivent de la part des hommes pieux, c'est pas de leur propre gré que ces miracles-là se produisent. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont aucune décision ou choix dans ces miracles-là. Ça se passe à travers eux, ça arrive sans même qu'ils en aient le contrôle et le choix. D'accord? Et c'est Allah qui fait que ces miracles-là se produisent chez eux par sa permission à cause de leur piété. Hein? Et la preuve que ce sont des miracles, c'est que ceux qui les font sont des hommes pieux qui sont fermes et établis sur le Coran et sur la Sunna. Hein? Tandis que les gens qui sont en train de faire les trucs diaboliques, hein, et ben en réalité la plupart souvent c'est des kuffars et des sorciers qui prétendent qu'ils font des miracles, alors qu'en réalité c'est pas du tout des miracles, puisque la preuve que ce sont pas des miracles, que c'est des trucs diaboliques qu'ils font, c'est parce que tu les vois souvent qui contredisent même la charia et qu'ils font appel à toute forme de magie et des trucs de ce genre. Donc s'ils étaient des awliya, ils ne feraient pas ces choses-là. Et ils seraient des bons musulmans. Le cheikh il dit, comme on a dit tout à l'heure, les miracles et les karamats, la personne qui les fait, les miracles, parmi les êtres humains, il n'a aucun contrôle là-dessus. C'est pas lui qui décide. Et même on voit même dans le Coran, quand les mushrikines venaient voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils demandaient au prophète, amène-nous telle chose, ou fais telle chose venir, ou fais telle chose arriver. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il montre la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran qui dit « قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ » Les signes, les miracles, c'est seulement Allah qui détient le pouvoir de les contrôler et de les faire apparaître et de les faire venir. Et ce n'est pas au pouvoir ou au contrôle du prophète lui-même. Tandis que ces shayatins-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est des ruses et des tours. Et ils le font devant les gens quand ils veulent, hein. Et en plus, ils chargent beaucoup d'argent aux gens pour arriver à avoir leur service. Donc ça, c'est des trucs, c'est des signes que ce sont des shayatins. Et les gens savent pas que c'est les shayatins qui font ça parce que les gens voient pas les shayatins. Donc il dit, فالحاصل أن هذا باب عظيم يشمل على علاج, لمرض خطير. يتفشى الآن في العالم الإسلامي وهو مرض الكهنة والسحرة والمنجمين والعرافين الذين صار لهم صولة وجولة في العالم وأشد من ذلك إذا دعي أن هؤلاء من أولياء الله وأن هؤلاء لهم كرامات مع أنهم كفر لا يصلون ولا يصومون ولا يتطهرون من الجنابة وربما يقولون هذا دليل على كرامتهم وقوله لا يصلي لأنه وضعت عنه التكاليف ووصل إلى الله والتكاليف هذه على الناس العوام. فالحاصل أن هذا الباب إذا تأملته وجدت أن الشيخ رحمه الله لم يكتبه من فراغ وإنما كتبه ليعالج به أمراضا متفشية وازدادت الآن بحكم تأخر الزمان وبحكم خشوع الجهل وبحكم تقارب العالم وارتباط بعضه ببعض وشريان الشرور في العالم بسرعة فيجب على طلبة العلم أن يتنبهوا لهذه الأمور ويقوموا بالتحذير منها وإنكارها لأن أكثر الناس سذج لا يعرفون هذه الأمور ف يغررون بهم وأيضا هم محتاجون للعلاج من أمراض من الأمراض فيقولون هذه فيها منافع وفيها علاج ولا يدرون أن المضار التي فيها أكبر من المنافع يعني لا يدرون أن المضار فيها أكبر من المنافع إن كان فيها منافع أو يدخلونها في قسم في قسم الفنون والمهارات. فيجب على طلبة العلم أن يهتموا بهذا الأمر وأن يتفهموا هذا الأمر وأن يتفقهوا فيه ليعالجوا هذه الأمراض المتفشية التي تقضي على العقيدة وتقضي على الدين الإسلام دين الإسلام وعلى عياذ بالله. أوكي. Donc le cheikh explique ici, il dit que donc ça c'est, on voit que c'est un chapitre très important qui traite d'une maladie très dangereuse qui se répand partout maintenant dans le monde musulman, et c'est la maladie de la voyance et des sorciers et des gens qui prétendent connaître l'avenir, etc. Et donc ça se répand, et c'est encore pire si quelqu'un prétend être rapproché d'Allah et d'être un wali, comme on a dit tout à l'heure. Et que ceux-là sont des gens qui ont des miracles. Alors que ce sont des koufars, souvent ils font même pas la prière, ils font même pas le jeûne, et ils se purifient même pas quand ils ont une impureté à cause des rapports sexuels ou autres. Hein. Et, qu'est-ce qui est étonnant parfois, c'est que ces gens-là, parmi les soufis, qui prétendent être des awliya et des saints, ils disent que le fait que ces gens-là, ou le fait que ces gens-là ne font pas la prière et ne font pas le jeûne, et qu'ils ne se purifient pas, et qu'ils vivent même des fois dans les poubelles ou autres, ils disent ça c'est la preuve que ce sont des awliyas, et ça c'est la preuve que ce sont des saints. Pourquoi? Parce que Allah leur a enlevé l'obligation de pratiquer ces obligations-là. Ça c'est des obligations qui sont uniquement pour les gens ordinaires parmi les musulmans, les saints ordinaires musulmans. Tandis que les gens qui ont atteint un niveau plus élevé, eux ils n'ont plus besoin de prier, plus besoin de jeûner. Et il y en a qui ont essayé de dire par exemple, oh non ça c'est pas le vrai soufisme. Le vrai soufisme c'est pas de dire que tu fais pas la prière et tout et tout. Le vrai soufisme qui est orthodoxe, qui est en accord avec l'islam, c'est de faire les prières en temps. Non. Et en réalité, c'est faux, parce que quand tu retournes au livre des soufis, hein, et dans leurs écrits, ils glorifient ces gens-là qu'ils appellent des awliya, et ils montrent que c'est des gens qui ne faisaient pas la prière, et qui ne faisaient pas le jeûne, ou qui faisaient des péchés, et que ça, c'était parce qu'ils étaient des zélites, ou qu'ils étaient des khawas, ou qu'ils étaient des awliya. Hein. Donc, ceux qui disent parmi les soufis, souvent c'est ça qu'ils font. Il y a deux catégories de soufis. Les soufis qui sont à l'extérieur, qui montrent l'image de l'extérieur, qui disent aux gens, oui le soufisme c'est de respecter l'islam, et ceux qui sont soi-disant arrivés à un niveau plus haut dans le soufisme, qui disent non, ça c'est pour les débutants, ou c'est pour les gens qui sont pas initiés, ils vont pas savoir les secrets du soufisme. Mais quand tu rentres à l'intérieur du soufisme, là tu vas apprendre des choses quand tu vas arriver à un degré plus élevé, parce que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre ces choses-là, c'est des choses trop élevées pour eux. Donc il y a toujours cette ruse-là, et d'essayer de défendre le soufisme en disant qu'il y a un bon puis un mauvais soufi, c'est en fait d'essayer de se défendre, de se baser sur l'argument de la balançoire, comme les chrétiens et les autres gens de dégarement et de dégât. Parce que le soufisme, de dire qu'il y a un bon et un mauvais, c'est de quel début tu vas croire. Les deux, ils disent qu'ils sont les vrais soufis. Et les deux, ils disent que ce qu'ils font, c'est le soufisme. Donc, un qui dit, non, toi, t'es pas un vrai soufi, et l'autre soufi qui dit à l'autre soufi, non, toi, t'es pas un vrai soufi. Alors, le mieux, c'est de dire, bon, on n'utilise pas du tout le terme soufi, on laisse tomber toutes ces affaires-là, et on revient au Coran et à la Sunna. Qu'est-ce que le Coran et la Sunna dit de tout ça, de toutes ces choses-là? Et ce qui est en accord avec l'islam, on dit oui. Ce qui est en désaccord avec l'islam, on le rejette. Parce que le soufisme, il a été critiqué par des grands ulama de l'islam. Ils ont été réfutés par des grands savants de l'islam depuis l'époque des quatre imams de Al-Sunnah al-Jama'a, et même avant et après aussi. Donc ça veut dire que ça prouve que ces choses-là ne font pas partie de l'islam. Et le soufisme, c'est une innovation qui n'a rien à voir avec l'islam. Donc, ils prétendent ces choses-là. Après, le cheikh, il dit donc que le cheikh Mohammed Abdel Wahab, il n'a pas écrit ce chapitre-là pour rien. Il l'a écrit parce qu'il a constaté que c'était une chose qui était présente, une maladie qui se répandait dans le monde musulman, et à l'époque actuelle, elle est encore plus grave qu'elle était à l'époque du cheikh lui-même, parce que, on recule dans le temps, ou bien disons, on avance dans le temps plutôt, et que l'ignorance se répand, on approche de la fin du monde, et donc l'ignorance se répand encore plus et les gens, les pays, disons, se rapprochent de plus en plus de différentes façons, hein. Comme on dit, le monde devient un petit village et donc le mal se répand beaucoup plus facilement actuellement qu'avant. Et il dit le cheikh que c'est obligatoire donc pour les étudiants de sciences d'informer et d'avertir les gens et de dire aux gens de faire attention à ces sujets-là et d'avertir les gens et de dénoncer ces choses-là parce que la plupart des gens sont naïfs et ils ne connaissent pas ces choses-là et donc ils se font tromper facilement. Et donc certains peuvent même se présenter parmi ces médiums ou ces voyants comme étant des guérisseurs et ils disent qu'il y a quelque chose de bien là-dedans ou il y a un bienfait là-dedans. Hein, qu'ils guérissent des maladies ou des trucs de ce genre, et ils ne connaissent pas les méfaits qui sont cachés derrière ces soi-disant bienfaits-là, et donc ils rentrent par la porte des bienfaits, et ils par la suite font sortir les gens de l'islam, et les amènent vers l'égarement, en disant que ce sont des arts ou des dons ou des sciences ou autre chose de ce genre. Donc il dit qu'il faut que les étudiants de sciences donnent de l'importance à ces questions-là, pour les expliquer aux gens, pour que les gens aient une compréhension de ces choses-là et pour, disons, traiter ces maladies-là qui sont répandues partout et qui détruisent la croyance et qui détruisent, en fait, qui détruisent la religion islamique elle-même et que Allah nous protège de ces choses-là. Amin. Donc ça c'est la fin du chapitre 26 et donc demain, Inch'Allah, demain on va faire le chapitre 27 qui est le dernier chapitre du volume 1, ok, et le titre c'est « Ma ja'a fi an-nushra ».« Ma ja'a fi an-nushra », et donc ça c'est demain. Donc on va s'arrêter. « Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. » Oui, à quoi.